Bonjour et bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous avec l'actualité locale. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du Forum des jobs saisonniers, un événement organisé par la mission locale Loire-Touraine et la MJC d'Amboise qui s'est tenu le mercredi 12 mars au centre socio-culturel de Bléré. Un moment clé pour celles et ceux qui recherchent un job pour cet été, avec de nombreux employeurs présents dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme ou encore de l'animation. Dans ce premier épisode consacré à l'événement, nous avons tendu notre micro à Annabelle, responsable de la guinguette Oscar et Suzette, qui revient pour une cinquième saison sur les bords de Loire à Amboise. Elle nous parlera de ses besoins en personnel et des postes à pourvoir. Alors si vous avez envie d'un job, les pieds dans l'eau au rythme des guitares et des couchers de soleil, on vous dit tout de suite, c'est parti. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter, votre nom, votre fonction, qui êtes-vous, que faites-vous? Bonjour, je suis Annabelle, je suis la responsable de la guinguette à Amboise, donc c'est une affaire, une création, on s'est installé pendant le Covid en 2020. C'est ça, c'est relativement récent, bien oui. Que maintenant bien ancré chez les Amboisiens. Oui, complètement chez les Amboisiens et puis aux alentours, hein, bien évidemment, bien plus loin également avec aussi les étrangers. Voilà. C'est Oscar et Suzelle. C'est Suzette. Suzette. Oscar et Suzette. J'ai fait l'amalgame, excusez-moi. Alors, du coup, vous avez des besoins en job saisonnier. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Annabelle? Oui, merci. Aujourd'hui, si je suis ici, ben, c'est parce que chaque année, hélas, comme je propose que des jobs de 5 mois, des CDD de 5 mois, et que je ne récupère pas toujours mes saisonniers hein, qui partent après sur d'autres horizons, ce qui est tout à fait normal. Donc, je suis obligée chaque année de recruter tous les postes parce que nous avons un vrai restaurant, un vrai bar, hein, donc et avec aussi une vraie cuisine. Donc, il me faut des cuisiniers, des commis, des plongeurs, des serveurs, des barman et j'en passe. Quand vous dites « des », ça représente combien de personnes, cette équipe? Alors, on débute généralement en début de saison entre 15 et 18 et on peut monter jusqu'à 23-24 en haute saison, quoi, juillet-août. Donc, avec une équipe de 7 personnes au bar, parce que ce sont deux équipes en fin de compte. D'accord. Avec des journées continues qui sont du matin ou du soir. Ensuite, il me faut entre 3 et 4 serveurs en extérieur. Et en cuisine aussi, il y a deux équipes également, parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à minuit. Pas pour le restaurant, pour le bar. 9h minuit et le restaurant, deux services, 7 jours sur 7. Alors, c'est quoi le processus de recrutement? Comment vous faites pour justement trouver les candidats qui vont bien aller pour les postes que vous avez à proposer? Alors, je lis les CV, mais surtout, je jauge, je sens. Je sniffe le candidat, c'est-à-dire que je regarde sa gestuelle, son tempérament, sa façon de bouger. J'ai un bon ressenti. Je suis assez instinctive, en fin de compte. Ouais, c'est un peu au feeling. C'est complètement au feeling. Donc, ça veut dire, c'est important ce que vous dites, ça veut dire que vous rencontrez toutes les personnes qui postulent. C'est pas juste un CV, c'est pas au feeling sur un CV. Ah non, je lis d'abord le CV, je vois s'il y a un petit peu d'expérience, s'il n'y en a pas du tout. Je prends aussi des jeunes, surtout juillet-août, qui n'ont absolument pas d'expérience, que je forme. Donc je regarde le CV quand même, bien évidemment. Mmh. Et puis après, je prends rendez-vous, voilà. Mais entre le CV, je vais vous dire très honnêtement les choses, tous les ans c'est le même problème. Entre les CV que je reçois et le SMS que j'envoie pour un rendez-vous, j'ai pratiquement une réponse sur 3. Ah oui? Oui. Ah, les gens envoient des CV, mais en fin de compte, on a l'impression qu'ils n'ont pas spécialement envie de travailler parce que quand je les contacte pour un rendez-vous, ils ont disparu. Mm-hmm. Ou alors, ils ont peut-être trouvé quelque chose entre deux et n'ont pas pris le temps de prévenir, peut-être aussi. Je ne sais pas. Quel type de salarié vous recherchez? Enfin, je veux dire, est-ce que vous prenez des mineurs, par exemple, où il faut impérativement être majeur? J'ai fait des exceptions avec des mineurs. J'en ai eu, en 5 ans, j'en ai eu 2. D'accord. Une jeune fille, une commis de bar qu'on a formée, mais qu'on ne pouvait pas mettre en service de bar d'alcool, donc était à la plonge. Elle ne faisait que la plonge et les planches de charcuterie fromage qu'on envoie au bar. Mmh. Et j'ai eu aussi un petit mineur en cuisine, mais pareil, avec les horaires. Enfin, c'est très contraignant pour nous. Avec les horaires, avec le temps limité de travail, c'est un peu compliqué, donc j'évite. Très honnêtement, j'évite. Après, vous êtes idéalement placé, c'est-à-dire qu'un jeune qui ne serait pas forcément d'Amboise, il y a des transports en commun bien desservis. On peut très aisément prendre le train, traverser le pont, on est tout de suite rendu à la Guinguette. Hein. J'ai des jeunes, oui, j'ai eu du personnel de Tours qui n'avait pas de moyens de locomotion et qui venait tous les jours travailler. Oui, aucun problème. Hein. Quand on est motivé, c'est ce que je dis aux jeunes que je rencontre, quand on est motivé, on trouve des solutions, hein, quand on a envie de travailler. Donc c'est ça la qualité que vous allez rechercher en premier lieu, c'est la motivation ? Ah, complètement. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est la motivation. Si vous êtes dégourdi, si vous êtes à l'écoute, si observateur, si vous percutez vite, ça le fait, quoi. Moi, j'ai beaucoup de patience, je prends du temps pour former. On a formé beaucoup de personnes au bar ou au restaurant depuis 5 ans. Si je sens que la personne en veut, je prends le temps qu'il faut pour la former, il n'y a aucun problème. Si on a des profils un peu timides, est-ce que tous les profils que vous recherchez sont des personnes qui vont être en contact direct avec la clientèle ? Oui. Donc, il faut avoir envie d'échanger. Voilà, il faut avoir envie d'échanger. Alors, je ne leur demande pas de tenir un discours long, mais il faut surtout avoir l'amabilité, le sourire. Mm-hmm. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de parler aux clients si vous n'êtes pas à l'aise. Enfin, je parle au niveau du bar. Hein. Mais au moins juste dire bonjour, bonsoir, qu'est-ce que je vous sers, vous voulez autre chose, etc. Au niveau du service, il faut quand même établir une certaine relation avec ces tables. Vous avez vos tables attitrées, donc vous êtes, parce que chaque serveur a son secteur. Mm-hmm. Bon, c'est vraiment bien d'avoir une personne qui est à l'écoute de sa table et qui sait faire aussi patienter les gens quand on attend, quand on passe trois quarts d'heure à attendre son burger. Bah, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais bon, si on a un serveur qui est à l'écoute, qui dit ça vient, je vais voir en cuisine ce qui se passe. C'est ce que je dis à tout le monde au niveau des serveurs. Je dis prévenez les gens, dites-leur où vous en êtes. Ne passez pas devant eux en les ignorant. C'est ce qui rend fou les gens quand on les fait attendre. Bah c'est vrai, puis même quand on est dans la posture de client, ce qui vous arrive aussi, Annabelle, quand exactement. Vous allez au restaurant. C'est pour ça que je leur dis, il faut leur parler, voilà. Faut pas ignorer les gens, surtout pas. C'est ce qui les rend dingues. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, ou moins jeunes, ou potentiels candidats, oui. Annabelle, pourquoi c'est sympa de venir travailler à la Guinguette Oscar et Suzette à Amboise ? Alors, pourquoi c'est sympa chez moi en particulier ? Alors, je pense que vraiment notre point fort, c'est le spot. On travaille en extérieur, on est face à la Loire, on a le château illuminé le soir, on a les groupes de musique qui viennent jouer, des DJ, on a le lâcher, comme on s'amuse à le dire, le lâcher de ballon de Montgolfière le soir aussi. Mmh. Et puis parce qu'on est, c'est une équipe relativement jeune, de saisonniers, donc il y a quand même toujours une ambiance un petit peu différente quand on est saisonnier que quand on est en CDI ou en, voilà. Puis parce que je suis une patronne super cool, tout simplement. C'est important de le dire. Alors, comment ils font nos auditeurs pour rentrer en contact avec vous ? Eh bien, par mail, par SMS, voilà, tout simplement. Ok, que vous me communiquerez et qu'on pourra mettre... Avec plaisir. Sur la page Facebook Radioactive pour pouvoir communiquer sur votre recherche de saisonnier. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à vous. Hein. Au revoir. Vous l'avez entendu, Annabelle et son équipe d'Oscar et Suzette recherchent des saisonniers motivés pour rejoindre l'aventure estivale en bord de Loire. Une belle opportunité pour ceux qui aiment le contact, l'ambiance festive et le travail en extérieur. Ce n'est qu'un début dans ce mag. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à vous faire découvrir d'autres employeurs en quête de renfort pour la saison. Alors si vous cherchez un job pour cet été, restez bien à l'écoute de nos programmes sur Radioactive. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans le mag.